La Bible David Martin 1855. Le livre d'Ézéchiel le prophète. Ézéchiel chapitre 1. Or il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi ceux qui avaient été transportés sur le fleuve de Chébar, que les cieux furent ouverts, et je vis des visions de Dieu. Au 5e jour du mois de cette année, qui fut la 5e après que le roi Jéhoshaphat eut été mené en captivité. La parole de l'Éternel fut adressée expressément à Ézéchiel, sacrificateur, fils de Buzi, au pays des Chaldéens, sur le fleuve de Chébar, et la main de l'Éternel fut là sur lui. Je vis donc, et voici un vent de tempête qui venait de l'Aquilon, et une grosse nuée, et un feu s'entortillant, et il y avait autour de la nuée une splendeur, et au milieu de la nuée paraissait comme la couleur du hasmal, lorsqu'il sort du feu. Et du milieu de cette couleur de la smale, paraissait une ressemblance de quatre animaux, et c'était ici leur forme, ils avaient la ressemblance d'un homme. Et chacun d'eux avait quatre faces, et chacun quatre ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était, comme la plante d'un pied de veau, et ils étincelaient comme la couleur d'un airain poli. Et il y avait des mains d'hommes sous leurs ailes à leurs quatre côtés, et tous quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point quand ils marchaient, mais chacun marchait vis-à-vis de soi. Et la ressemblance de leur face était la face d'un homme, et la face d'un lion à la main droite des quatre, et la face d'un bœuf à la gauche des quatre, et la face d'un aigle à tous les quatre. Et leur face et leurs ailes étaient divisées par le haut, chacun avait des ailes qui se joignaient l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Et chacun d'eux marchait vis-à-vis de soi, vers quelque part que l'esprit les poussa, ils y allaient, et ils ne se tournaient point lorsqu'ils marchaient. Et quant à la ressemblance des animaux, leurs regards étaient comme des charbons de feu ardent, et comme qui verrait des lampes, le feu courait parmi les animaux, et le feu avait une splendeur, et de ce feu sortait un éclair. Et les animaux couraient et retournaient, selon que l'éclair paraissait. Et comme j'eus vu les animaux, voici, une roue apparut sur la terre, auprès des animaux, pour ses quatre faces. Et la ressemblance et la façon des roues, étaient comme la couleur d'un chrysolite, et toutes les quatre avaient une même ressemblance, leur ressemblance et leur façon, étaient comme si une roue eût été au-dedans d'une autre roue. En marchant elles allaient sur leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point quand elles allaient. Et elles avaient des jantes, et étaient si hautes qu'elles faisaient peur, et leurs jantes étaient pleines d'yeux, tout autour des quatre roues. Et quand les animaux marchaient, les roues marchaient auprès d'eux, et quand les animaux s'élevaient de dessus la terre, les roues aussi s'élevaient. Vers quelque part que l'esprit voulut aller, ils y allaient, l'esprit tendait-il là, ils y allaient, et les roues s'élevaient vis-à-vis d'eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient de dessus terre, les roues aussi s'élevaient vis-à-vis d'eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Et la ressemblance de ce qui était au-dessus des têtes des animaux, était une étendue semblable à un cristal étincelant, et terrible à voir, laquelle s'étendait sur leur tête par-dessus. Et leurs ailes se tenaient droites au-dessous de l'étendue, l'une vers l'autre, et ils avaient chacun deux ailes dont ils se couvraient, chacun, dis-je, en avait deux qui couvraient leur corps. Puis j'ouïs le bruit que faisaient leurs ailes quand ils marchaient, qui était comme le bruit des gros sauts, et comme le bruit du Tout-Puissant, un bruit éclatant comme le bruit d'une armée, et quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes. Et lorsqu'en s'arrêtant ils baissaient leurs ailes, il se faisait un bruit au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête. Et au-dessus de cette étendue qui était sur leur tête, il y avait la ressemblance d'un trône, qui était, à le voir, comme une pierre de saphir, et sur la ressemblance du trône, il y avait une ressemblance qui, à la voir, était comme un homme assis sur le trône. Et je vis comme la couleur du hasmal, ressemblant à un feu, au-dedans duquel il était tout alentour, depuis la ressemblance de ses reins et par-dessus, et depuis la ressemblance de ses reins jusqu'en bas, je vis comme qui verrait du feu, et il y avait une splendeur autour de lui. Et la splendeur qui se voyait autour de lui, était comme l'arc qui se fait dans la nuée en un jour de pluie. C'est là la vision de la représentation de la gloire de l'Éternel, laquelle ayant vu, je tombai sur ma face, et j'entendis une voix qui parlait.